Les quadrilles étaient commencées. Il arrivait du monde. On se poussait. Elle se plaça près de la porte sur une banquette. Quand la contredanse fut finie, le parquet resta libre pour les groupes d'hommes causant debout et les domestiques en livrée qui apportaient de grands plateaux. Sur la ligne des femmes assises, les éventails peints s'agitaient. Les bouquets cachaient à demi les sourires des visages et les flacons à bouchons d'or tournaient dans des mains entrouvertes dont les gants blancs marquaient la forme des ongles et serraient la chair au poignet. Les garnitures de dentelle, les broches de diamants, les bracelets à médaillons frissonnaient au corsage, scintillaient aux poitrines, bruissaient sur les bras nus. Les chevelures, bien collées sur les fronts et tordues à la nuque, avaient, en couronne, en grappe ou en rameaux, des myosotis, du jasmin, des fleurs de grenadier, des épis ou des bluets. Pacifiques à leur place, des mères à figure enfrognée portaient des turbans rouges. Le cœur d'Emma lui battit un peu lorsque, son cavalier la tenant par le bout des doigts, elle vint se mettre en ligne et attendit le coup d'archer pour partir. Mais bientôt, l'émotion disparut. Et, se balançant au rythme de l'orchestre, elle glissait en avant, avec des mouvements légers du cou. Un sourire lui montait aux lèvres, à certaines délicatesses du violon, qui jouait seul quelquefois, quand les autres instruments se taisaient. On entendait le bruit clair des louis d'or qui se versaient à côté, sur le tapis des tables. Puis, tout reprenait à la fois. Le cornet à piston lançait un éclat sonore, les pieds retombaient en mesure, les jupes se bouffaient et frôlaient, les mains se donnaient, se quittaient. Les mêmes yeux, s'abaissant devant vous, revenaient se fixer sur les vôtres.